Lettre 28e, M. Villard à Lady Howard, Berry Hill, 2 mai. Votre lettre, madame, m'ouvre une nouvelle source d'inquiétude. Elle me présage bien des maux, et je ne vois pas comment les prévenir. C'est avec regret que je me vois obligé de combattre votre opinion, et j'en suis d'autant plus fâché que mes arguments vous paraîtront un peu étranges. Vous direz que je raisonne en ermite qui ne connaît pas le monde et à qui il s'irait mieux de garder sa cellule que d'être le surveillant d'une jeune demoiselle accomplie dans le siècle où nous vivons. Mais souvenez-vous que vous m'avez provoqué, que par conséquent je dois me défendre et tâcher de justifier les mesures que j'ai suivies jusqu'ici. La mère de ma pupille, entraînée dans l'abîme par son imprudence, par la dureté de Madame Duval et par la scélératesse de sœur Belmont, m'était autrefois ce que sa fille m'est encore aujourd'hui, l'âme chérie de mon cœur. J'honorerai sans cesse sa mémoire et n'oublierai point que je lui ai promis solennellement sur son lit de mort que sa fille ne connaîtrait que moi pour père et que si jamais elle sortait de ma maison, ce serait pour passer dans les bras d'un époux digne d'elle. Je vous proteste, madame, qu'il m'en a peu coûté pour demeurer fidèle à mes engagements et que je n'ai jamais été tenté de faire valoir les prétentions de ma pupille à la charge de sœur Belmont. Pouvais-je aimer cette pauvre orpheline sans détester l'auteur de sa ruine? Pouvais-je confier la fille au bourreau de la mère? Pouvais-je lui abandonner un enfant innocent qui excitait toute ma compassion et ma pitié? Je déteste jusqu'au nom de cet homme. Je ne puis l'entendre prononcer, et souvent même j'étais sur le point de le maudire. Malgré cela, je n'ai jamais pensé à lui retenir son enfant. Loin de là, je me serais fait une joie de la remettre entre ses mains pour peu qu'il eût donné des marques de regret ou même d'humanité. Mais jusqu'ici, il est absolument indigne du bonheur d'être père, puisque le barbare, étouffant tous les sentiments de la nature, a poussé la dureté jusqu'à ne pas s'informer de l'existence de cet infortuné, quoiqu'il ne sût que trop dans quel état il avait laissé sa malheureuse épouse. Vous me demandez, madame, quelles sont mes intentions. Je prévois qu'elles sont de nature à ne pas obtenir votre suffrage. Il est vrai, pourtant, que plus d'une fois, j'ai pris la résolution de présenter mon Evelina à son père et de réclamer ses droits. Mais j'ai toujours renoncé à l'exécution de ce dessein. Je craignais tour à tour de réussir et d'échouer. Lady Belmont, fermement persuadée de sa mort prochaine, m'a prié instamment, si elle venait à accoucher d'une fille, de ne point l'abandonner à un homme si peu propre à se charger de son éducation. Elle me recommanda même, au cas où qu'il insistât pour qu'elle lui fût remise, de me retirer avec elle à la campagne, jusqu'à ce que son père, par un changement total de conduite, se fût rendu digne de recevoir un tel dépôt. Quelquefois, elle ajouta, « Et si la pauvre petite sympathisait avec sa mère, du moins elle ne manquera de rien, tant qu'elle sera sous votre protection. » Hélas, son enfant n'eut pas plus tôt vu le jour que l'infortunée Lady Belmont se trouva plongée dans un abîme de misère, qui troublèrent son repos et sa réputation, et la conduisirent au tombeau. Pendant l'enfance de la petite Evelina, j'ai formé nombre de plans pour lui assurer les droits de sa naissance, mais je n'ai jamais pu tomber d'accord avec moi-même. D'un côté, j'aurais désiré sans doute de lui faire rendre la justice qui lui était due, et de l'autre, je tremblais qu'en prenant soin de sa fortune, je n'exposasse son cœur à de nouveaux dangers. Cependant, je crus gagner beaucoup à mesure qu'elle avançait en âge et que son caractère commençait à se développer. Une franchise naturelle, une aimable simplicité, un fond de candeur et d'innocence, un cœur porté à recevoir les moindres impressions, toutes ces qualités me firent croire qu'en suivant mon inclination, je parviendrais à établir son bonheur. Je devais craindre pour elle une maison dont le maître est un homme dissolu et sans principe, où elle serait privée des conseils d'une mère, et même de la direction de toute personne sensée, où sa perte en un mot eût été inévitable. Mon plan était non seulement de l'élever et de la chérir comme mon propre enfant, mais encore de l'adopter comme héritière de mes petits biens, et de lui choisir dans la suite un époux avec qui elle put passer des jours heureux et tranquilles, sans mélange de vices et d'ambitions. Tel est le récit exact de ce qui s'est passé jusqu'ici. Tels sont les motifs par lesquels je me suis décidé. Je me flatte qu'ils justifieront suffisamment la conduite qui en a été le résultat. Il me reste à vous entretenir, madame, des mesures qu'il convient de prendre pour l'avenir. Nombre de difficultés se présentent ici et je désespère de les surmonter selon mes vœux. J'ai les plus grands égards pour votre opinion et je suis extrêmement fâché que cette fois-ci elle diffère de la mienne. Cependant, ne suis-je pas fondé à croire que la félicité de mon Evelina sera plus assuré dans la retraite que dans le tourbillon du monde. Mais à quoi serviront mes raisonnements, puisqu'il s'agit d'une femme telle que Madame Duval? Puis-je attendre le moindre succès de tout ce que j'alléguerais pour la faire changer d'avis? Son caractère violent et emporté m'empêche même d'en faire l'essai. Elle est trop ignorante pour se laisser instruire, trop entêtée pour écouter mes représentations et trop orgueilleuse pour reconnaître ses torts. Je m'abstiendrai donc d'entrer dans des détails qui produiraient infailliblement des contestations désagréables. Vouloir ramener à la conviction un esprit aussi imbu de préjugés, aussi esclave de ses passions, ce serait discuter avec un sourd l'effet du son, ou avec un aveugle de la nature des couleurs. C'est pourquoi je cède à la nécessité, et j'acquiesce malgré moi à une entreprise dont je ne suis pas le maître de faire échouer. Seulement, je m'appliquerai à chercher les moyens qui me paraîtront les plus propres pour avancer le bonheur de mon enfant sans blesser sa sensibilité. D'abord, je désapprouve hautement l'idée d'une procédure juridique. S'il est permis à un vieillard de dire son sentiment avec franchise, je ne fais aucune difficulté de vous avouer, madame, combien j'ai été surpris de ce que vous avez pu, même pour un moment, prêter l'oreille à un projet aussi violent, qui entraîne une publicité fâcheuse et qui est absolument incompatible avec la délicatesse de votre sexe. Je suis persuadé que vous n'avez pas pesé tous ces inconvénients. Il y eut un temps où je proposais un plan pareil, mais alors il était question de constater l'innocence de Lady Belmont, de dessiller les yeux du public sur les torts qu'on lui attribuait. Alors un défaut total de ressources pouvait rendre cette extrémité nécessaire. Aujourd'hui le cas n'est plus le même, et le retour tardif de Madame Duval ne sert qu'à retracer le souvenir des malheurs de mon amie. Je ne consentirai jamais à des voies de rigueur. Ma jeune et timide pupille en souffrirait trop. Ce serait l'exposer ouvertement à la curiosité publique et à la malignité des conjectures. Et à quel propos? Pour lui procurer des richesses dont elle peut se passer, pour satisfaire une vanité qui n'est pas dans son caractère? Un enfant plaidé contre son père? Non, madame, accablé d'âge et d'infirmité, vous me verriez plutôt fuir avec elle au bout de l'univers, dussé-je mourir en route. Je le répète, les motifs qui pouvaient engager l'infortunée Lady Belmont à prendre un tel parti étaient très différents. Toute la félicité de ce monde était perdue pour elle, sans retour. Sa vie lui était devenue une charge. Sa réputation qu'elle avait appris de bonne heure à mettre au-dessus de tout avait reçu une atteinte mortelle. Il ne lui restait donc qu'à sauver son honneur et celui de sa fille. Mais cette consolation même lui a été refusée. Choisissons des mesures moins violentes et essayons de gagner Sir John Belmont par la douceur, mais surtout qu'il ne soit plus question de procès. Avec Madame Duval, il serait inutile de se piquer de délicatesse. Il faut lui opposer des arguments qui s'accordent mieux avec sa façon de penser. Ainsi, je m'abstiendrai de lui dire que son plan est mal imaginé, mais je tâcherai de prouver qu'il ne saurait nous convenir dans le moment présent. Ayez la bonté, madame, de lui faire sentir qu'en suivant ses idées, nous manquerions précisément le but qu'elle se propose, puisque, dans le cas même où nous obtiendrions gain de cause, Sir John serait toujours le maître de fixer aussi bas qu'il lui plairait les prétentions de sa fille, et nous savons qu'il est très capable de prendre ce parti si on le poussait à bout. Madame Duval ne saurait mieux faire que de demeurer tranquille et d'abandonner entièrement la poursuite de cette affaire. La haine qui subsiste depuis tant d'années entre elle et M. Belmont ne me permet pas d'augurer favorablement de son entremise. Mon Evelina ne paraîtra également que lorsque les circonstances l'exigeront, et moi-même, je ne prétends pas agir directement. Je me bornerai à vous continuer mes conseils, mais je suis peu disposé à me compromettre avec un homme tel que Sir John Belmont. Il me semble, madame, qu'une lettre de votre part ferait le meilleur effet. Il y aura plus d'égards qu'aux représentations d'aucun de nous. Je serai donc d'avis que vous prissiez sur vous de lui écrire pour entamer la négociation. Si dans la suite il consent à voir Evelina, j'ai en réserve une lettre posthume que sa malheureuse épouse m'a laissée pour lui être remise, supposé qu'une telle entrevue eût jamais lieu. Il est clair que les Branton n'ont inventé ce projet que dans des vues d'intérêt. En assurant à Evelina la succession de son père, ils se flattent d'obtenir celle de Madame Duval, et en cela je crois qu'ils se trompent. Des esprits de la trempe de cette femme aiment assez à laisser leurs biens à des personnes qui n'en ont pas besoin, et si notre jeune amie se trouvait dans une situation opulente, je suis persuadé que sa grand-mère serait d'autant plus portée à lui faire des avantages. J'ajouterai encore une considération dont je ne pourrais me départir. J'ai promis solennellement à Lady Belmont que je ne souffrirai point que son enfant soit reconnu avant qu'elle l'ait été elle-même. Cette condition doit être remplie et je vous supplie, madame, d'y insister. Je suis, avec un profond respect, etc. Arthur Villard.